Bonjour à tous pour ce deuxième épisode de l'année et donc le huitième du podcast qui se consacre aux animaux à l'école. Le dernier était sur la nature, l'environnement et les pratiques philosophiques. Là, on va se focaliser sur les animaux et en particulier sur la médiation animale avec un nombre record de 6 académies réunies. Et les participants par ordre alphabétique sont Pierre Denison, qui est enseignant d'histoire-géographie dans l'Académie de Lyon, coordonnateur Ulysse, équi-coach et médiateur équin, et intervenant en médiation animale. Nicolas Dolion, maître de conférence à l'Université de Reims, dont les recherches se concentrent sur l'interaction homme-animal, la médiation animale, le développement socio-émotionnel, le trouble du spectre de l'autisme et les troubles du neurodéveloppement. Marine Grand-Georges est maîtresse de conférence à l'Université de Rennes, habilitée à diriger des recherches, et ses recherches portent sur la relation homme-animal de compagnie, la médiation animale et l'apport des animaux au quotidien, ainsi que le bien-être des équidés en médiation. Delphine Aignon est enseignante PLP en mathématiques et physique-chimie au lycée hôtelier international de Lille et elle mène un projet de médiation animale. Elle a été licenciée pendant de nombreuses années en agility et désormais en canicross. Elle a été longtemps monitrice d'éducation canine, responsable du club canin et famille d'accueil chiens et chats pour diverses associations. Fanny Raspotnik, pardon, Ingrid Mwanza, je ne fais pas le bon ordre alphabétique, est enseignante d'anglais et elle est intervenante en médiation animale dans l'Académie de Lyon. Fanny Raspotnik est professeure des écoles. Elle enseigne en petite et moyenne section dans l'Académie de Poitiers, dans une école en milieu rural. Elle mène un projet de médiation canine dans sa classe pour la deuxième année consécutive avec ses deux chiennes Golden Retriever. Elle est formée à la médiation par l'animal. Et enfin, Hélène Valentin-Padiou est AESH et est porteuse d'un projet de médiation par l'animal en milieu scolaire. Elle est conseillère en développement professionnel à la CARDI de l'Académie de Montpellier et co-animatrice d'un collectif national Médiation par l'animal en milieu scolaire, MAMS ou MAMS. Elle est bénévole au sein d'une association en tant qu'éducateur canin, consultante en relations humain-chien et intervenante en médiation par l'animal auprès de divers publics, dont l'aide sociale à l'enfance et jeunes adultes ayant une déficience intellectuelle avec troubles associés. Je précise juste avant qu'on commence que Delphine est presque aphone, donc il faudra tendre l'oreille, chers auditeurs, lorsqu'elle s'adresse à nous. La première question que j'ai pour vous tous, c'est qu'est-ce qu'on entend par médiation et par médiation animale? Marine? Alors, moi, je vais commencer tout de suite par le terme médiation animale, qui est vraiment une pratique d'aide où on a le plus souvent à la base un duo humain-animal qui travaille ensemble au bénéfice d'une personne qui d'ailleurs le plus souvent s'appelle un bénéficiaire. Cette pratique de médiation animale, elle est un petit peu un terme parapluie parce qu'on va pouvoir retrouver des choses qui se font en duo, comme je l'ai dit, avec un bénéficiaire et donc on aura trois individus. Mais il y a aussi des activités de médiation animale qui peuvent être en groupe avec plusieurs animaux, plusieurs enfants, avec des objectifs qui peuvent être à la fois thérapeutiques ou occupationnels ou éducationnels. Donc c'est hyper varié et je pense qu'aujourd'hui dans le podcast, on va avoir un petit peu un panel de différentes activités de médiation animale qu'on peut proposer à l'école. Je vais me permettre aussi de compléter Nicolas? la réponse de ma collègue. Nous sommes aussi en fait dans une activité en fait qui va pouvoir endosser en fait des interventions dans des structures très variées, des modes d'intervention extrêmement variés. De ce fait-là, on parle de médiation animale parce que c'est le terme le plus englobant. On va avoir plein de termes différents qui peuvent utiliser. Pour cette même pratique, on peut parler d'activité assistée par l'animal, d'intervention assistée par l'animal, de thérapie assistée par l'animal. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on est d'ailleurs aussi dans une période où, côté anglo-saxon, on est dans une période où même la terminologie est encore en cours d'affinement et de réflexion. Mais donc c'est vrai qu'au niveau français, on préfère le terme de médiation qui est le plus englobant dans l'intégralité des pratiques associées. Et tu disais activité ou intervention, quelles différences on fait entre les deux? Alors, l'activité, en fait, c'est simplement une pratique où là, ce qu'on vient faire, c'est simplement viser à un partage d'activité avec l'animal. Une intervention, ici, on va avoir un objectif derrière en termes d'intervention auprès du bénéficiaire auprès duquel on intervient. D'accord. Delphine? Je me suis un peu posé la question quand j'ai reçu l'invitation en quoi je faisais de la médiation animale. Et j'ai été regarder aussi ce qu'était un médiateur. Et finalement, le médiateur, c'est celui qui facilite la communication. Et je me suis dit qu'au quotidien, la présence de mes chiennes, c'était d'abord un élément facilitateur d'échange. En tout cas, dans mon cas et dans ma pratique au quotidien avec mes chiennes. Merci. Fanny? Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, c'est aussi un facilitateur d'échange entre mes élèves. Moi, j'ai des petits moyens, donc ils n'ont pas 3 ans tous, entre 3 et 4 ans en fait. Et c'est un vrai facilitateur d'échange, de bien-être. Et la présence du chien, de la chienne, va faciliter les interactions. Donc, enfin, c'est vraiment le lien. Qui permet entre moi et les enfants d'être créés, ou entre les enfants d'être créés, ou qui a aussi un support émotionnel. Et ça semble assez nouveau, enfin, on n'en parle pas depuis longtemps. Est-ce que c'est quelque chose qui est ancien, la médiation par l'animal, ou c'est simplement que ça et que ça commence simplement à être connu, ou c'est quelque chose d'assez récent? N'est pas nouveau du tout en fait. On peut trouver dès le 13e siècle en fait des premières traces de médiation animale. La pratique n'est pas du tout nouvelle. C'est juste que ça commençait en fait tout simplement par des premières pratiques ou dans des institutions qui prenaient en charge les personnes avec des pathologies mentales. Donc à cette époque-là, qui étaient les asiles, tout simplement, on allait avoir en fait des premiers animaux de ferme qui allaient être présents à cette époque. Et c'est vrai que depuis, bon, vous voyez qu'on a beaucoup diversifié. Je pense que Marine veut compléter aussi ma réponse. J'ai cru voir un signe. Oui, en fait, ce qui est intéressant, comme disait Nicolas, c'est que avant, on pratiquait la médiation animale sans forcément la nommer comme ça. Et on a commencé, en fait, un petit peu à la structurer à partir des années 60 avec Boris Levinson aux États-Unis et dans les années 70, Ange Condoré en France, où on a mis des mots sur quelque chose qui se faisait, en fait, assez couramment. Parce que d'ailleurs, Boris Levinson le dit clairement, hein, c'était pas le seul aux États-Unis à pratiquer. Il avait fait un sondage auprès de collègues et ils étaient des dizaines et des dizaines à le faire, mais à ne pas le mentionner. Donc en fait, c'est juste une formalisation d'une pratique qui est ancienne et qui aujourd'hui s'institutionnalise et se professionnalise par rapport à ce qui était fait un peu plus avant au feeling, on va dire. D'accord. Et du coup, dans l'éducation, est-ce que c'est quelque chose qui commence à arriver? Parce que moi, j'ai découvert ça en échangeant avec vous, mais ça fait un petit moment quand même que vous faites des recherches, Nicolas et toi, Marine. Et Hélène, ça a l'air d'être faire un moment qu'elle pratique. Du coup, je ne sais pas, dans l'éducation. Donc, Hélène? Oui, mais dans l'éducation nationale, ça fait pas longtemps que je pratique parce que, en fait, le plus dur, ça a été encadrer la présence de ces chiennes dans l'institution, dans les établissements scolaires. C'est toujours en construction d'ailleurs, hein. Les académies n'ont pas leurs mêmes avis sur l'introduction des animaux dans leurs établissements. Donc là, on ne peut pas se prononcer pour oui ou non. C'est vraiment des études au cas par cas qui. Dans la manière où on présente ces animaux aux élèves. Et donc, pour revenir à l'objectif de la médiation par l'animal en milieu scolaire, pour ma part, il est essentiellement pédagogique. Voilà, il va être motivationnel, il va être facilitateur, mais pourquoi? Parce que ben, dans notre mission en tant qu'agent de l'éducation nationale, notre mission, c'est faire entrer les élèves dans leurs apprentissages. Donc, oui, les animaux que nous utilisons, parce que donc au travers du magistère sur plusieurs académies, les animaux qui interviennent en classe le font majoritairement pour des objectifs pédagogiques, pour accompagner les élèves dans leur parcours d'apprentissage. Donc, leur parcours d'apprentissage, ça peut être au singulier, comme dans leur parcours d'apprentissage au pluriel. Voilà, ça peut être un objectif cible donc sur une séance, comme ça peut être un objectif cible construit sur plusieurs séances, donc sur une séquence d'apprentissage. Voilà, je pense que mes collègues pratiquent notamment Fanny et Delphine sur ce même objectif. Après, Pierre, tu travailles avec des chiens aussi et puis d'autres animaux, toi. Ouais, tout à fait. Avec Ingrid, on travaille aussi avec un chameau et puis avec des chevaux. Et du coup, on croise différentes espèces parce que chaque espèce peut répondre à un besoin différent. Et en fait, donc, on a toute une progression au niveau de la construction de l'apprentissage qui, du coup, passe par la collaboration entre ces différentes espèces. Oui, alors je vais garder le suspense du chameau pour un peu après dans les questions de pratique, mais du coup, voilà, on va parler chameau après aussi. Hélène? Pardon, j'avais envie de rajouter que non seulement les espèces, les différences dans les espèces ont travaillé différents objectifs, mais avec différents individus. Parce que aussi bien, ça peut être la race canine, par exemple, mais il y a un individu dans la race canine qui est prédisposé à rentrer en interaction plus facilement dans tel ou tel objectif qu'on va travailler, et un autre animal de l'espèce canine va être plus prédisposé à un autre objectif. Donc vraiment, c'est aussi à l'intervenant en médiation à bien faire attention à allier ces deux compétences, enfin ces compétences-là, au niveau du public du public cible, quoi. Fanny, peut-être. Pardon. Moi, Fanny? je rajouterais que alors, j'ai des objectifs pédagogiques, évidemment, selon comment je travaille avec mes chiennes, mais il y a quand même toute une sphère autour du bien-être et de la motivation à venir à l'école et de l'envie de partage et de la gestion des émotions. Enfin, moi, pour le vivre avec des enfants qui rentrent à l'école, la présence des chiennes change complètement leur attitude sur la séparation avec les parents, sur la gestion de leurs émotions quand ils arrivent et qu'ils sont un petit peu chagrinés le matin, la présence de la chienne, un câlin, une caresse, juste un bonjour, ça change radicalement le reste de la journée. Donc moi, c'est vrai qu'il y a des objectifs pédagogiques sur des activités bien ciblées, mais il y a aussi un objectif de travail du bien-être de l'enfant et de l'accompagnement émotionnel aussi. D'accord, merci. Delphine? Ben moi, je voulais revenir au fait depuis quand on peut intervenir enfin, en médiation animale à l'éducation nationale. Moi, je suis enseignante depuis très longtemps. Et, il y a 10-15 ans, j'étais déjà formatrice et j'étais déjà passionnée par le chien de travail. Et quand j'avais évoqué cette possibilité, on m'avait doucement rayonné, voilà, en disant. Je vais employer les mots tels qu'ils m'ont été dit. T'es vraiment une mère à chien. Et puis les choses ont changé. Et puis le Covid est arrivé. Et puis bon, en lycée professionnel, excusez-moi, en lycée professionnel, après le Covid, on a vu arriver beaucoup d'élèves qui avaient décroché du collège. Et je me rappelle très bien de cette période où il a fallu remettre les élèves, tout simplement les faire revenir à l'école. Et on s'est demandé comment. Et à l'époque, j'avais un nouveau proviseur qui est arrivé. Et puis, on a discuté de ça. J'avais une jeune collègue qui est passionnée aussi, qui fait projet avec moi et qui m'a dit mais si ça va être possible. Et moi, je lui dis tu sais, ça va être compliqué. Et elle m'a dit non, non, non, non, on va le faire. Et en fait, on est parti un petit peu comme ça. Le proviseur a dit bah, de toute façon, maintenant, il faut tout essayer. Parce qu'il va falloir qu'on arrive. Et c'est un peu comme ça que l'aventure a démarré. Et puis voilà, et puis on a travaillé le projet avec notamment Isabelle Fougère, que j'ai contactée. Et puis c'est parti comme ça. Mais voilà, il y a quand même eu un élément déclencheur qui a fait changer les choses au niveau de l'éducation nationale, quoi. Voilà, je pense que ça a été une bascule. Merci. Nicolas? Oui, je voulais justement rebondir un petit peu sur ce côté historique. Ce qui est important de distinguer, c'est que le fait d'avoir des animaux à l'école n'est pas quelque chose de nouveau. On a tous vu en fait historiquement ces classes où il y avait soit un rongeur, soit des phasmes ou encore d'autres insectes ou d'autres types d'animaux. Là ici, ce qui est réellement nouveau en fait et qui apparaît depuis relativement récemment, c'est cette question d'une véritable pratique, en fait, où on se centre, en fait, au travers de cette intégration d'animal sur des objectifs, sur la pédagogie, le parcours de l'élève, mais aussi, comme le soulignait, en fait, à juste titre Delphine, mais aussi Fanny, cette question de travailler aussi sur la motivation et le bien-être de l'élève. Pareillement, côté scientifique, bien qu'il y a des recherches sur les apports de l'animal auprès des jeunes, que ce soit des jeunes au développement typique ou des développements atypiques, là en fait, ça, on a des recherches qui datent en fait depuis très longtemps, mais sur la question de l'apport en termes d'éducation dans les structures scolaires, là c'est que depuis une quinzaine d'années que cette thématique-là commence à émerger d'un point de vue scientifique. On est vraiment dans quelque chose qui est récent en termes d'intérêt. D'accord, merci. Hélène? Oui, je souhaitais poser une question, parce que chaque fois je pose beaucoup de questions, mais dans nos pratiques, est-ce que vraiment le fait d'introduire cet animal en classe dans un objectif motivationnel, c'est pas favoriser les apprentissages? Voilà, est-ce que la mise en condition favorable de l'élève dans sa place d'élève, ce n'est pas aussi favoriser ses apprentissages. Donc, en fait, c'est une question qui n'est pas, qui peut pas être encadrée avec des mots. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un tout. C'est motivationnel et ça permet, du fait qu'on soit bien, de se mettre dans cette position d'élève et de rentrer dans les apprentissages. Voilà, il y a toutes ces notions de confiance en soi, de valorisation, d'intégration au groupe, tout ça, ce sont des compétences psychosociales qui sont travaillées en médiation par l'animal, qui vont favoriser à leur tour cette position d'élève et cette facilitation. Après, tout élève n'est pas voué à être ingénieur en mathématiques ou docteur en lettres. Mais en tout cas, voilà, grâce à la présence de l'animal, eh ben, on lui donne la possibilité, c'est aussi permettre les possibles d'appréhender ses apprentissages de manière positive. Merci. Mais alors justement, Nicolas en parlait, je voulais savoir comment vous en étiez arrivé à mener ou étudier des projets de médiation animale, parce qu'on voit que vous êtes tous, et je me comprends dedans, d'où l'objectif du podcast, personnellement investi avec les animaux. On a, comme disait Nicolas, beaucoup d'entre nous, je pense, vécu. Moi, je me souviens d'un maître, c'était une année extraordinaire où on a élevé une souris qui était dans la classe, on a élevé des mythes, on a élevé des escargots, et c'était juste incroyable. Et effectivement, avec le recul, c'était un vecteur de persévérance scolaire incroyable d'être là. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à travailler ou à étudier ces projets-là? Et par rapport à une autre intervention, je ne sais plus qui, désolée, oui, de Delphine, quelles ont été les réactions? Parce que j'ai eu le même type de réaction que toi, Delphine, que ce soit sur le développement durable ou les animaux. Et du coup, je trouve ça intéressant de voir comme ça évolue, enfin, doucement, mais sûrement. Voilà, donc qu'est-ce qui vous a amené à ça? Quelles ont été les réactions? Marine? Alors moi, au-delà même de la médiation animale à l'école, quand j'ai commencé mes recherches sur les effets positifs de l'animal dans la vie des enfants et notamment des enfants avec TSA, c'était il y a 18 ans avec ma thèse. Je prends un coup de vieux à chaque fois que je le dis. On me regardait comme une extraterrestre en me disant, mais pourquoi tu t'intéresses à ça? Quel est l'intérêt? Et aujourd'hui, avec 18 ans de recul, je me dis, bah, oui, il y a un intérêt parce qu'aujourd'hui, on s'en est saisi au niveau sociétal. C'est rentré clairement dans la pensée du grand public que l'animal a des effets positifs pour tout un chacun et encore plus, notamment dans l'éducation. Et pour répondre plus précisément à qu'est-ce qui m'a amené à mener des recherches sur l'animal à l'école, eh ben, c'est une professeure qui est venue me chercher. Et ces questionnements collaient totalement avec les questionnements de recherche que j'avais à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'on a commencé à bosser ensemble. Donc c'est avec les chiens d'assistance à la réussite scolaire. On a mené un projet qui fait partie d'une thèse qui est d'ailleurs soutenue le 17 décembre de cette année. Fanny? Alors moi, si je reprends mon parcours, j'ai mis en place une lapine dans la classe. Voilà, il y a maintenant fort longtemps. Et puis, il y a 5-6 ans, j'ai eu un groupe d'élèves vraiment compliqué, en moyenne section, grande section. Enfin, voilà, le groupe avait du mal à vivre ensemble. Et j'avais à l'époque ma chienne Golden qui était extrêmement empathique, extrêmement sensible et qui apaisait vraiment les gens qui pouvaient passer, venir chez nous. Et du coup, je me suis dit qu'elle pourrait leur faire du bien. Donc, j'avais interpellé ma hiérarchie qui était plutôt positive sur le projet. Et bon, pour diverses raisons, ça n'a pas pu se faire. Suite à ça, j'ai eu une petite cochon d'Inde dans ma classe. Qui était alors qui était faite pour ça, hein, c'est-à-dire que quand j'ai eu un enfant qui avait vraiment beaucoup de mal à être attentif, donc quand je lui mettais, elle s'appelait Jolie, quand je lui mettais Jolie sur lui, elle couinait tant qu'il était agité. À partir du moment où il se calmait, elle s'arrêtait, elle s'endormait sur lui et je ne pouvais pas la prendre. C'est-à-dire que si je la prenais, elle ne m'a jamais mordu, rien du tout. Mais si je la prenais, elle me signifiait que c'était pas le moment, quoi. Et vraiment, elle lui a permis de rentrer dans les apprentissages. Et donc, à la suite de ça, j'ai relancé l'idée de faire de la médiation avec mes chiennes. Donc, au départ, le projet n'avait pas été pensé pour ma classe, mais plutôt que j'intervienne en tant qu'enseignante dans d'autres écoles, comme enseignante support, en fait, avec ce facilitateur par la médiation. Et on ne l'a pas fait. Et du coup, j'ai monté un projet Cardi avec mon inspectrice de l'époque qui a pu se faire. Et donc, ça fait 2 ans que je peux mener ce projet avec les chiennes dans la classe. Mais j'ai été soutenue par ma hiérarchie. Et par contre, quand on en a parlé, que ce soit dans les mairies, pour les mairies ou pour les parents, je n'ai pas eu de retour négatif des questions. Mais. Ça, il faut pas les mettre de côté, hein, les questions sur les allergies, les questions sur les morsures, les questions sur le comportement. J'ai toujours présenté mes chiennes pour que ça rassure et ça a rassuré. Et du coup, ça fait beaucoup référence au travail qui peut se passer par la médiation dans les EHPAD. Bon, enfin, nous, en milieu rural, il y en a. Il y a pas mal de médiation dans les EHPAD et du coup, ça a plutôt été vu comme quelque chose qui allait aider aux apprentissages scolaires. En fait. Merci. Delphine? Alors moi, je dirais aussi que j'ai grandi avec des chiens. Mes enfants ont grandi avec beaucoup d'animaux. Tous les copains mettaient toujours leurs enfants chez moi parce que chez moi, c'était super. Il y avait plein d'animaux, ils voulaient toujours venir. On avait tellement de chance. Le fait d'avoir fait beaucoup de pratiques sportives avec mes chiens, ça m'a appris beaucoup de choses dans mon propre métier. Je dirais l'humilité, la remise en cause, la patience, l'adaptation, l'autorégulation. Et je me suis dit que l'inverse était forcément possible. Et puis, je voulais dire en même temps. Enfin, c'était déjà pas mal, ouais, déjà pas mal. Je me suis dit que forcément, les élèves ne pouvaient que revivre les mêmes choses. Voilà, on voulait partager ça et au moins essayer pour voir. D'accord, Voilà. merci. Et du coup, le pendant de ce que vous dites, ça va être comment est-ce qu'on s'assure du bien-être de l'animal? Parce que vous avez parlé de chien de travail, d'utiliser, de elle était faite pour ça. Mais enfin, moi, on a échangé, je sais que vous êtes attentif, mais donc comment on fait pour être sûr que l'animal reste bien, pour qu'on soit dans un travail commun et pas une utilisation objet pour caricaturer? Hélène? Bien, pour ma part, je m'assois sur mes connaissances, enfin, sur les connaissances que j'ai des individus avec lesquels je travaille. Donc, en fait, autant ce sont mes chiennes de compagnie, autant ce sont mes chiennes de travail. Donc, je ne dis pas que c'est un plus, mais effectivement, la parfaite connaissance de l'attitude des chiens et de ce qu'ils sont. Dans leur intégrité, de leur prédisposition, de leur caractère et tout ça, m'a permis de faire l'association de comment ils vont être à l'aise dans telle ou telle situation. Voilà. Et puis, comme c'était des chiens Enfin, ce sont des chiens pour lesquels j'ai travaillé beaucoup d'habituation, mais volontaire hein, de la part. Hein, où je travaille beaucoup avec le consentement auprès de mes animaux médiateurs. Et en fait, on teste au journellement, en fait, sur leurs aspirations, sur ce qu'ils. Et vraiment, l'observation du chien à tout moment, pour ma part, elle est indissociable de l'activité, enfin dans cette interaction. Et aussi, donc, non seulement de ma vision auprès de mes chiens, mais aussi, je m'adapte en fonction de ce que les bénéficiaires, donc en l'occurrence en milieu scolaire, les élèves ou les enfants avec de l'aide sociale à l'enfance ou etc., le public jeunesse avec lequel je pratique, il faut aussi veiller à anticiper chez ces personnes-là ce qui pourrait mettre en défaut l'animal pendant sa pratique. Donc ça aussi, c'est quelque chose auquel il faut préparer. Peut-être, quand cela est possible auprès du public, de la future introduction de l'animal ou passer par une phase d'observation à distance de l'animal et pouvoir, nous, en tant que professionnels de cette relation, enfin, cette relation de cet animal, j'aime pas dire professionnel parce qu'en fait, cette profession n'existe pas, c'est pas réglementé, mais en tant que, avec notre regard d'expert, on peut être à même d'écouter le corps de son animal pour voir s'il est dans le bien-être ou pas. Voilà. Est-ce que tu peux nous partager ce que tu m'avais raconté? Je crois que c'était la fête de l'école Oui. où tes deux chiennes, tu les avais mises de côté parce que je crois que les enfants, ou alors c'était peut-être une remise de diplôme et tu as vu que tes Alors, chiennes n'étaient pas du tout satisfaites. Je oui, vois. en fait, c'était en fin d'année, les enfants faisaient un retour aux parents sur leur travail de l'année avec les chiens autour de la médiation par l'animal à milieu scolaire, tout ce qu'ils avaient appris avec les chiens, etc. Ils faisaient un retour aux parents. Et en fait, mon erreur a été que j'ai amené les chiens ce jour-là, les deux chiens ensemble, sur une journée où ils n'étaient pas présents en classe. Donc, les chiens n'avaient pas vu les élèves de la journée. Et donc, ils sont rentrés la première fois de la journée à rencontrer les élèves en classe. Et donc, les élèves ont suivi le protocole, ils ont lu leur petit texte de présentation de leur activité, de l'activité médiation par l'animal auprès de leurs parents et tout ça. Et je voyais mes chiens qui commençaient à se lécher les babines. Je ne suis pas à l'aise, mais pourquoi? Parce qu'ils étaient à distance des élèves et qu'ils n'avaient pas eu ce rituel qu'on met en place à chaque fois qu'il y a une introduction des chiens en classe, ils n'avaient pas eu ce rituel de présentation aux élèves et de coucou, on est là, on va travailler ensemble. Et moi, je suis passée outre, voilà, c'est une erreur de ma part, je suis passée outre ce rituel de mise en situation pour l'animal. Les élèves, eux, bah, ils savaient, enfin, être humain, on a la capacité d'anticiper ce qui va arriver, donc ils savaient qu'ils allaient pouvoir dire bonjour aux chiens. Mais les chiens, eux, ne savaient pas qu'ils allaient pouvoir dire bonjour aux élèves, et donc ils étaient un peu frustrés d'être à distance des élèves et de ne pas avoir pu avoir ce rituel de bonjour, quoi. D'avoir eu chaque fois leur petite caresse. Donc, c'est vrai que ben là, à ce moment-là, j'ai stoppé l'élève. Je me suis permise de stopper l'élève, de dire excuse-moi, je vais me permettre de t'interrompre, mais je pense que Rasta et Roquette ont très fortement envie de saluer toute la classe avant que tu continues ton discours. Et donc, du coup, ça a été, voilà, les chiens. Là, par contre, ils ont dit bonjour à tout le monde, ils ont pu s'asseoir au milieu des élèves et l'élève a pu continuer son discours auprès des parents. Voilà, donc c'est une manière aussi, voilà, de, voyez, d'écouter ces chiens, enfin, là, en l'occurrence les chiens ou les animaux, dans leur intervention et de leur permettre aussi de les entendre et de modifier le cours des choses pour qu'ils soient bien. Voilà. Et moi, je ne suis pas partisane, je ne pense pas que mes collègues qui sont présents aujourd'hui, de la médiation à tout prix. Voilà, on ne va pas imposer à tout prix l'animal, tout comme on n'impose pas à tout prix l'élève au contact animal, etc. Chaque fois, il y a cette mesure du consentement qui est très importante à mettre en place. Merci. Marine? Alors, c'est vrai que quand on pense maintenir le bien-être des animaux en médiation, on peut être à deux échelles. On peut être au moment du travail où l'animal est au contact des élèves et la séance est menée. Et là, bien entendu, il faut être très attentif aux indicateurs possibles de stress que le chien ou le cheval ou tout autre animal envoie. Mais il y a aussi finalement le quotidien. Tout le bien-être chronique au quotidien, parce que avant tout, ce qu'il faut pas oublier, c'est que ce chien qui est en séance de médiation, ce cheval qui est en séance de médiation, c'est avant tout un cheval, c'est avant tout un chien, et donc il y a des besoins qui sont propres à son espèce. Donc il faut bien entendu être très attentif au moment des séances de travail, mais aussi en dehors pour offrir à l'animal des conditions de vie qui soient optimales dans sa relation à l'homme, dans sa relation congénère, dans la façon dont on s'en occupe au quotidien, l'hébergement qu'on va lui offrir, etc. Donc c'est vraiment, certes au moment du travail, c'est hyper important, mais aussi en dehors du travail, et de respecter ses besoins à tout moment. Oui, parce que moi, je n'ai pas vécu le hamster dans la classe comme certains ont eu, ou peut-être des fois des lapins. Et du coup, je me suis toujours demandé quand ils sont, quand c'est une famille qui l'emporte pour les vacances ou le week-end, comment on peut être sûr que l'animal va être respecté dans ses besoins physiologiques, comme de sensibilité. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout si vous avez fait des recherches dessus. Je parle de Marine et Nicolas, mais aussi tous les invités par curiosité. Hélène, du coup, tu voulais rebondir dessus? Oui, il se trouve que là, on parle des animaux qui ont été placés en classe dans des objectifs d'apprendre ce qu'est le vivant. En fait, l'animal en classe avant n'était pas présent dans un but de faire de la médiation par animal. C'était juste de l'occupationnel ou dans un but d'observation. Voilà, donc du coup, je ne pense pas que cette notion de bien-être. Avant et après, bien sûr, au quotidien, elle était prise en compte, mais elle n'a, on n'avait pas ce regard que l'on a maintenant sur respecter les besoins fondamentaux de l'espèce avec laquelle on travaille. Maintenant, grâce aux chercheurs et à mettre des mots sur comment faire pour que ces besoins fondamentaux soient respectés, avec des chiffres, avec des mesures de stress, avec des mesures, voilà, différentes références qui nous font dire que oui, effectivement, ce que j'observe, c'est un signe de stress ou de mal-être. Voilà. Maintenant, on met des mots. Maintenant, je trouve que tout le monde se responsabilise de plus en plus vis-à-vis de ses propres animaux et du coup se responsabilise de plus en plus sur les animaux qui peuvent intervenir dans leur milieu de travail, quoi. Alors moi, je serais curieuse de savoir comment Pierre gère le bien-être des chameaux, par exemple. Ça va être ma question d'après, mais juste il y avait deux personnes qui voulaient intervenir avant, mais j'avais demandé à Ingrid et Pierre après ça. On y arrive. Delphine, tu voulais intervenir? Je voulais juste. Je rejoins Hélène quand elle parle d'observation. Je pense qu'il faut vraiment bien connaître son animal. Moi, j'ai quatre chiennes. Donc, j'ai commencé avec ma plus vieille qui était hyper prête parce qu'elle était déjà habituée à aller en maison de retraite. Donc, j'étais sûre voilà, qu'elle était faite pour ça. J'ai allé à la retraite. J'ai enchaîné avec une autre chienne avec qui j'ai fait beaucoup d'agility aussi et qui est super. Et par exemple, j'ai une chienne que je n'emmène pas parce qu'elle n'est pas faite pour ça, parce que ça ne lui plaît pas. Voilà. Donc, je ne lui ai jamais imposé de venir, même si elle participe à des séances de canicross avec les élèves, mais c'est à l'extérieur, mais elle ne vient pas en classe. Et à chaque fois que j'emmène un de mes chiens, donc la plus jeune là, que j'ai prise exprès pour ça, donc il y a l'éducation qui va avec. En fait, tout est orienté vers ça. J'essaye de leur donner une plus-value quand elles viennent avec moi. En fait, et aujourd'hui, elles viennent avec moi toutes seules, par exemple, dans la meute. En fait, elles ont une place particulière le jour où elles viennent. Et puis, quand on vient, ben, on profite de faire des balades toutes seules. Parce que si je l'amène, c'est que j'ai du temps aussi pour les sortir un peu, pour jouer avec elles et leur donner des temps de repos. Ça peut être aussi des jeux que l'on ne fait que quand ils viennent, au lycée, par exemple. Donc ça, c'est des petites choses qui font que bah ouais, c'est chouette de venir. Voilà, je pense que c'est important du plaisir pour le chien, en fait. C'est un peu comme de faire un sport avec eux. C'est pareil, si le chien, ça lui fait pas plaisir, il n'y a pas de binôme, en fait. Et du coup, finalement, la médiation au lycée, c'est pareil. C'est un binôme, donc si le binôme fonctionne pas, bah, ça ne va pas fonctionner de toute façon. Donc voilà. Merci. Nicolas? Oui, donc je vais juste rebondir déjà sur un premier point qui est que la question en fait du respect de l'animal et bien-être de l'animal en fait figure ma maintenant en fait parmi les priorités qui sont annoncées par l'éducation nationale. Et c'est vrai que la question en fait de ce respect de l'animal et de son bien-être dans le cadre de la pratique de médiation animale en contexte scolaire est forcément extrêmement pertinente. À l'heure actuelle, spécifiquement dans ce contexte-là, on n'a pas d'étude scientifique qui a été réalisée ou publiée à jour au niveau de la scène internationale. Et pour rebondir sur la question de tout ce qui est justement essayer de s'assurer en fait de ce bien-être de notre espèce, ce qui est important de souligner, c'est que dans ce travail de médiation par l'animal, en fait, il y a quand même une relative prouesse qui est réalisée, puisque comme l'expliquait Marine, on est quand même à faire coïncider deux espèces différentes qui vont avoir des mondes perceptifs et des mondes de priorités, des mondes de besoins qui sont complètement différents, qui communiquent pas de la même façon, et pourtant on va devoir les faire communiquer et interagir. Et dans ce cadre-là, ce qui va être pertinent, bah, c'est notamment que notre médiateur, la personne qui réalise cette intervention-là, en fait, elle acquiert des connaissances aussi bien sur son animal lui-même et prendre le temps de le connaître, mais aussi sur l'espèce en général, comment elle fonctionne, ce qui va être une des meilleures façons d'intervenir. Faire aussi le même travail sur le type de bénéficiaire auprès duquel il va intervenir, savoir comment le bénéficiaire fonctionne pour essayer de mieux essayer de raccorder ces deux mondes qui vont devoir interagir. Et enfin, un des éléments qui est le plus gagnant, et je laisserai à Pierre et Ingrid le soin d'expliquer comment ils le font, mais c'est aussi d'éduquer le bénéficiaire à la lecture de l'animal lui-même, qu'il puisse lui-même en fait décrypter cet animal pour pouvoir ajuster son interaction. Et bien entendu, un des derniers trucs qui est bien pour le bien-être, c'est en effet de trouver des temps de pause, adapter le temps de travail. Je sais que Pierre, quand il m'a approché pour qu'on travaille ensemble au niveau d'un projet de recherche, il vous l'expliquera là aussi sûrement, mais une des premières choses qu'il m'a dit, c'est mon chien est syndiqué. Donc je leur laisse la parole d'ailleurs sur ce point et expliquer aussi comment on garantit le bien-être pour un chameau. Oui, voilà, Ingrid et Pierre, du coup, c'était notre question, je pense à tous déjà. Comment on fait? Vous n'avez pas que le chameau, il y a aussi des chevaux et je crois des chiens. Donc, comment on fait pour s'assurer de leur bien-être, sachant que je ne pense pas que le chameau vive chez vous. Non, non, Voilà. non, tout à fait. Alors, du coup, effectivement, non. Donc, déjà, nous, on croit beaucoup à la force de l'équipe pluricatégorielle. Donc, la médiation, elle fonctionne bien si on a une équipe vraiment avec des regards différents qui sont croisés. C'est pour ça qu'on travaille toujours avec des vétérinaires, on travaille avec éducateurs canins, on travaille avec une monitrice d'équitation, on travaille aussi avec le soigneur animalier qui gère le chameau au quotidien. Nous, en parallèle, on s'est formé avec Ingrid sur l'éthologie de chaque espèce, mais n'empêche que quand on est en séance, bah, on n'a pas forcément un focus à 100% sur l'animal et il y a des signaux d'apaisement qui nous échappent. Donc, c'est vrai que c'est bien, du coup, à certaines séances, du coup, de voir ça. Nous, on a eu la chance avec Ingrid dans notre collège de pouvoir imposer le fait que y a pas sur la convention, on ne spécifie pas le jour d'intervention de l'animal, pour le chien en tout cas. C'est fonction en fait bah, de son état émotionnel, de ce que moi je ressens, ce qu'il me montre dans la journée. Donc c'est en ça que Rico, notre Jack Russell, est syndiqué, puisque du coup, c'est lui qui choisit en fait le moment où il peut travailler ou pas. Il y a toujours une salle qui jouxte la salle du dispositif Ulysse qui lui est réservée et les élèves n'ont pas accès. Et comme disait Nicolas, effectivement, avec Ingrid, on s'attache vraiment à ce que nos élèves, en fait, ils aient des connaissances sur le langage corporel de chaque espèce. C'est eux qui mettent en place des posters dans la salle avec comment décrypter, en fait, le niveau d'éveil du chien, du chameau, du cheval, comment on peut savoir s'il est craintif, s'il est plutôt curieux, si, voilà. Et du coup, le chameau et les chevaux sont forcément plus loin. Comment ça se passe? Vous emmenez les élèves? les Ouais, voir, quoi. on emmène les élèves au club hippique et on emmène les élèves à la voirie du forêt, c'est là où il y a le chameau. Et en fait, pareil, quand on travaille dans l'espace de médiation animale, il y a toujours la possibilité, si on voit que le cheval, ça ne va pas, de changer ou de changer le jeu et la configuration. Si on se rend compte que, bah, effectivement, par exemple, le chameau, ça, il est un peu paniqué à travers certains accessoires qu'on va utiliser, bah, du coup, on va remplacer les accessoires, on va essayer de voir avec le soigneur ce qui pourrait être plus cool pour lui et changer la séance. D'accord. Du coup, Fanny, tu voulais intervenir et c'est peut-être la même question que j'avais pour toi. Est-ce que tu peux aussi parler du travail que tu fais avec la peluche, qui est un peu le pendant de syndicat du chien de Pierre? Oui, moi, pour garantir leur bien-être, alors d'abord, comme j'ai des petits moyens, moi, je ne travaille pas avec les chiennes, donc elles ne sont pas présentées aux familles. Parce qu'il me semble important que pour le lien de confiance, en fait, il y ait déjà une présentation aux familles. Et une fois qu'elles sont présentées aux familles lors de ma réunion de rentrée, donc deuxième ou troisième semaine de septembre, ensuite j'emmène les chiennes dans la classe, donc une par une. Et pendant tout ce temps où elles ne sont pas présentes, il y a leur espace de repli, leur tapis de repli. Et il y a un chien en peluche sur le tapis de repli. Et donc, le but, c'est que le chien ne bouge pas, voilà, qu'il ne soit pas baladé et que du coup les enfants apprennent à respecter cet espace. Parce que quand elles seront couchées dessus, c'est le seul endroit où elles ne seront pas touchées par les enfants. Ils ne peuvent pas aller les voir. Quand elles se reposent sur leur tapis de repli, c'est voilà, on n'a pas le droit d'y aller, quoi. Et en fait, ils font extrêmement attention. Tout ce travail en amont fait que, ils font extrêmement attention. Et les chiennes, alors, connaissent très bien les lieux. Hein. On a travaillé aussi avant. Elles ne sont pas venues comme ça le premier jour pour travailler avec les enfants. Elles ont découvert l'école, découvert tous les lieux, le personnel aussi, avant que les enfants viennent. Et donc ça, sur plusieurs jours, hein, bien évidemment, ça s'est fait en plusieurs fois. Et c'est vrai que la matinée, quand elles n'ont pas une activité spécifique avec les enfants, elles sont dans la classe, elles sont couchées n'importe où. Et l'après-midi, par contre, elles sont sur leur tapis de repli et ils savent qu'ils ne peuvent pas y aller. Et il y a certains matins où elles en ont marre et elles y vont. Moi, je fais attention à ce qu'elles aient toujours envie le matin de venir. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore rencontré de moment où elles n'avaient pas envie. Il faut plutôt que je négocie pour que la plus vieille de mes chiennes ne vienne pas parce qu'elle est tout le temps enfourée derrière la porte à pousser pour pouvoir venir. Et je fais attention aussi à les balader tous les midi deux. C'est vrai que le fait d'être en milieu rural, il y a un bel espace derrière l'école. Donc on va se promener et on passe une demi-heure à se promener pour qu'elles se ressourcent par tous les temps. Et c'est vrai que voilà, moi je voulais revenir là-dessus sur le bien-être. Et par rapport à, tu parlais tout à l'heure, Emine, de hamster qui part dans les familles. Alors moi, c'était le cas. Ma petite jolie, c'était Cam, mon petit cochon d'Inde qui partait. Elle partait dans les familles. C'était refaire aujourd'hui, elle partirait plus. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte en l'ayant avec moi que c'était pas un animal d'élevage, c'était vraiment un animal de médiation. Et d'ailleurs, j'ai dû arrêter de la prendre dans la classe parce que j'ai fait le projet avec les chiennes et elle n'a pas supporté de ne plus être au milieu des enfants. Donc, elle s'est laissée mourir. Donc, je ne referai plus ça. Je garderai la référence, en fait, pour l'animal. Et j'en profite d'avoir la parole pour rebondir sur la parole, justement, sur apprendre à décoder les signaux d'apaisement ou les différents signaux que peuvent nous donner les animaux. Pas plus tard que ce matin, sur une séance de langage avec ma chienne sur un temps de brossage de soins à l'animal. Les enfants m'ont demandé, oui, mais nous, de toute façon, elle ne peut rien nous dire parce qu'elle ne parle pas. Et donc, si elle parle, oui, elle aboie, oui, mais il y a plein d'autres façons dont elle parle. Et en fait, elle était couchée, normalement. Elle s'est allongée sur le flanc pour qu'il puisse encore plus la caresser. Et dès qu'il ne la caressait plus, elle me donnait la patte, l'air de dire, bon, encore un peu, quoi. Et du coup, tout ce temps-là, ça m'a permis de leur dire que si là elle était en train de nous parler et que en fait elle communique avec nous mais d'une autre façon. Voilà ce sur quoi je vais prendre la parole. Merci. Et il y avait Hélène, mais je lance aussi une question. Du coup, en vous écoutant, et je ne suis pas du tout spécialiste, j'ai l'impression que ça permet de se décentrer aussi en tant qu'espèce humaine. Peut-être que je n'utilise pas les bons termes, mais voilà, c'est une autre question que je lance. Mais il y avait Hélène qui voulait intervenir, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je reviens par rapport au milieu scolaire. En fait, ce qui est observable, c'est vraiment l'anticipation de la venue de cet animal à l'école. Et donc, du coup, on le construit avec l'élève, avec les élèves, et on construit cette venue avec eux. On leur donne un petit peu la responsabilité de bien d'être un bon compagnon d'école. Bon compagnon d'école à cet animal qui va venir en classe. Et cette implication, on l'a fait notamment en établissant des règles. Vous entendez, comme tous, hein, tous les animaux ont le choix. Les élèves sont informés que ben, sur le tapis de repli, il y a tel droit. Nous, on avait mis en place un système de code couleur avec des foulards. C'est à la demande des élèves, parce que il y a un élève à besoin éducatif particulier qui s'était manifesté un jour en disant oui, mais quand moi je voudrais travailler mes maths avec Roquette, je ne sais pas quand est-ce que si je peux ou pas, si elle est déjà avec quelqu'un. Donc on s'était posé des questions, et on a dit qu'est-ce qui pourrait vous aider? Ben, il disait ben, je ne sais pas, elle a toujours le même collier, on pourrait changer de collier. Bon, changer de collier, c'était un peu compliqué, mais on a décidé de mettre en place des foulards. Donc on a fait un travail ensemble sur la couleur des foulards, etc. Et donc du coup, on a mis en place ce code de. Le chien est en déplacement libre avec le foulard vert. Le chien est en travail de groupe, il a un foulard de telle couleur. Un chien est en travail de lecture avec un élève, il a le foulard jaune, etc. Et donc, du coup, l'élève, quand il s'impliquait dans l'interaction avec le chien, qui lui demandait de travailler avec le chien, il lui présentait le foulard. Si le chien se détournait, bon, ben, c'était pas le moment. Okay, donc, il y a cette notion de respect du chien. Et par contre, si le chien ben, acceptait qu'on noue le foulard d'importe quelle couleur autour de son collier, ben, l'élève voilà, était valorisé d'être accompagné par le chien et aussi se mettait dans cette position, je vais me mettre au travail avec l'animal. Donc, il y avait ce respect d'attendre l'approbation de l'autre. Voilà, et donc par l'intermédiaire de ce foulard, nous on avait trouvé cette solution. Nicolas? Oui, très bien vu, Hélène, cette alternative du foulard pour rendre les choses plus évidentes et plus lisibles. Je vais rebondir sur un terme que tu as utilisé, Emeline, en fait, qui est celui en fait de se décentrer. Et en effet, ce qui est assez fantastique dans l'interaction avec l'animal, c'est qu'on va devoir un petit peu se décentrer un petit peu de nos codes humains pour passer par d'autres codifications dans l'interaction. Alors, bien entendu, ça nous force à se décentrer, mais sans être complètement déconnecté. Ce que je veux dire par là, c'est que on va utiliser des clés dans cette interaction-là, en fait, et des compétences cognitives en cognition sociale dans ces interactions qui sont aussi appliquées dans nos interactions avec l'humain. Ce qu'on voit, en fait, au travers de ça, c'est que au travers de l'interaction avec l'animal, donc là, c'est des recherches qui sont pas nécessairement dans le cadre éducatif, mais qui sont dans le cadre plus global, par exemple, animaux de compagnie. Ce qu'on peut voir, en fait, c'est que les individus qui évoluent, en fait, et qui interagissent avec des animaux vont avoir certaines habiletés en cognition sociale qui sont à des plus hauts niveaux que par rapport à des individus qui évoluent sans animaux de compagnie. Là, c'était tout juste l'année dernière, on a bouclé une étude, enfin, il y a même moins d'un an, en fait, on a bouclé une étude en collaboration d'ailleurs avec Marine sur un peu plus de 300 enfants âgés entre 6 et 11. Et ce qu'on peut voir, en fait, c'est que des jeunes qui grandissent avec un animal au domicile ont de meilleures habiletés empathiques que ceux qui ne grandissent pas avec un animal à domicile. Et qu'en plus il y a d'espèces différentes à la maison, meilleures sont les habiletés empathiques. Ce que ça, en fait, a l'air de nous indiquer, c'est que plus il y a d'espèces différentes, plus on va devoir utiliser des modes différents et des codifications différentes, ce qui renforce, en fait, cet exercice de capacités différentes et donc ces habiletés, en fait, notamment bah, ici dans notre cadre empathique. Et dans le cadre éducatif, là, par exemple, ce que nous indique Hélène, tout simplement avec cette idée du foulard qui vient nous indiquer non, c'est pas le moment, Mais si le foulard est d'une autre couleur, là, je peux interagir. Ce qu'on a, en fait, par exemple, ici, c'est un entraînement à tout ce qui est régulation émotionnelle et régulation du comportement. Et où, dans toute une série d'autres cadres, en fait, ça pourra être transposé et ça pourra servir à un autre jeune dans le cadre scolaire, mais aussi hors scolaire. Et petite question, et du coup, le fait de comprendre donc les élèves de Fanny qui disaient bah, ils ne nous parlent pas, et de comprendre qu'il y a un autre langage, est-ce que ça permet aussi d'avoir une meilleure compréhension de tout ce qui est langage non verbal chez l'humain? Alors, Enfin, d'y être plus sensible, peut-être. Je ne sais pas si. Voilà. à jour, en fait, c'est un peu particulier parce que le non-verbal est toujours, en fait, la petite sœur pose la petite sœur pauvre, en fait, du verbal. C'est un peu moins étudié. Dans le cadre éducatif, je vous dirais qu'on n'a pas là d'études. Il y a quelques années, il y a une étude qu'on a publiée, là aussi, en collaboration avec Marine, sur des enfants avec TSA qui étaient bénéficiaires d'un chien d'assistance. Et ce qu'on peut voir, c'est que un peu plus de 2 ans et demi après intégration de leur chien d'assistance, ces jeunes-là ont des meilleures stratégies visuelles dans la façon dont ils regardent le visage pour reconnaître les expressions faciales. Et ça, en comparaison avec des jeunes même âge, même sévérité de TSA, qui sont non bénéficiaires d'un chien d'assistance. Donc on peut penser que oui. Après, voilà, peut-être que ça va dépendre des éléments non verbaux, peut-être que ça va dépendre aussi des modes d'intervention en médiation. Merci. Delphine? Alors moi, je voulais peut-être anticiper un petit peu sur la posture de l'enseignant et puis rebondir sur le fait de se décentrer. Enfin, moi, je trouve que la présence du chien, naturellement, encore plus, enfin, c'est une posture que j'aime beaucoup, la posture descendante. Mais en tout cas, j'ai trouvé que le fait d'être accompagné, naturellement, on la met de côté. Au profit d'une posture d'accompagnement et que parce que pour ma part et pour ma pratique, la présence du chien, elle complète et elle renforce les projets de travail coopératif. Et c'est vraiment une plus-value que je rencontre quand le chien est là. Et pour renforcer en fait cette vision aussi de l'enseignant, je trouve que ça rend l'enseignant plus accessible, y compris en dehors du travail de la classe. On y reviendra après, mais en tout cas, moi, le fait d'être dans un établissement de type lycée professionnel, j'ai beaucoup d'interactions, bien sûr, avec mes élèves, hein, mais aussi avec les élèves que je n'ai pas. Et ça a créé vraiment des liens très particuliers avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves. Et ça suppose aussi qu'il faut se rendre, un jour, on a le chien, on doit être disponible, en fait. C'est-à-dire que quand je prends le chien, moi, je ne l'apprends pas tous les jours, je ne l'apprends pas tout le temps. Et je reviens sur ce que disait Pierre. Moi, ils n'ont pas de, enfin, ils ont pas d'emploi du temps imposé parce que ça dépend de leur envie, mais ça dépend du mien aussi. Et en fait, le jour où j'ai le chien, je dois être disponible pour le chien, mais je dois être disponible aussi pour tous ceux qui vont interagir avec moi parce que le chien est là. Et ça suppose, voilà, c'est un peu particulier en fait. Voilà, et ça, et c'est aussi vrai avec les adultes, pas que avec les élèves. Voilà, c'est-à-dire avec les collègues, avec les agents, avec tout le personnel. Ça crée quelque chose de particulier. Voilà. Hélène? Oui, vite fait, par rapport à la temporalité, effectivement, oui, Ingrid, effectivement, sur la temporalité, ben, il faut être conscient qu'il ne faut peut-être pas s'attacher à se dire ça va être minuté. Parce que des fois, l'interaction, elle n'est pas prévisible au moment où on aurait souhaité. Et donc, du coup, se permettre le temps. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Ingrid? Oui, moi je voulais revenir sur la relation professeur-élève qui est facilitée par la présence de l'animal. Donc, alors, moi, je n'ai pas Rico tout le temps parce qu'il est très souvent avec Pierre dans le dispositif Ulysse. Mais je sais que le fait de travailler avec lui en fait en dispositif Ulysse, ça a amélioré pas mal de choses au niveau relationnel entre le professeur et l'élève. J'ai des élèves qui ont bénéficié, qui viennent plus souvent, plus facilement me parler de leurs difficultés, parce que nous, ben, on fait des séances avec le chien, donc on travaille différentes matières, et donc je suis prof d'anglais à la base et je suis passée au multidisciplinaire, Et c'est vrai que pour les élèves, eh ben, c'est plus simple de venir me voir maintenant pour me dire, bon, ben, on a des problèmes sur ci, sur tel point, est-ce que c'est possible avec Monsieur Denison de faire quelque chose? De même que quand ils sont en cours, comme ils ont l'habitude de me voir avec eux dans le dispositif Ulysse, et avec les chevaux, et avec le chameau, et j'en passe, eh ben, c'est vrai que c'est plus simple pour eux de participer en cours parce qu'ils sentent en confiance. Donc, parce que le lien qu'on a pu tisser autour du chien bah, se prolonge dans la salle de classe quand ils sont dans leur classe de référence. Et ils ont plus, moins peur, ils ont plus confiance en eux, malgré la présence des autres camarades, en fait. Ils participent plus, ils s'encouragent aussi, parce que tout ce qu'on raconte pendant les séances, toutes les notions qu'on aborde, ils sont capables de les appliquer aussi dans le cours et bah, d'être tuteurs. Ils expliquent plus facilement. Alors, je sais pas si. C'est assez clair, ils arrivent à expliquer en leurs propres mots des choses qu'on a vues nous en médiation animale. Voilà, donc ils le mettent à disposition des élèves et bah, ils encouragent les camarades qui sont en difficulté, ils les aident à travailler sur les notions qu'on a vues. Et puis en fait, ils participent tout simplement à l'amélioration du cours, à l'amélioration des apprentissages de leurs autres camarades aussi qui n'ont pas été diagnostiqués comme ayant besoin du dispositif Ulysse. Voilà. Merci. Nicolas? Oui, c'était juste pour rebondir. C'est vrai que la description que vient de donner Ingrid est vraiment fantastique parce que c'est un phénomène, je pense, en fait, que toutes les personnes autour de cette visioconférence, en fait, ont pu observer dans leur pratique et dans les écrits, dans la littérature scientifique. C'est un phénomène qui est relaté au travers d'un effet qu'on va appeler de catalyseur social ou d'émulateur social. C'est-à-dire que quand un animal est présent, ça va encourager, faciliter les interactions humaines. C'est-à-dire que c'est pas seulement en fait un côté motivateur de l'animal qui nous invite à venir, c'est un côté où les interactions humaines en fait sont facilitées dans ce cadre. Donc aussi bien entre le professionnel qui va faire la séance de médiation que entre les différentes personnes qui viennent bénéficier de cette séance de médiation et qui sont présentes, c'est observé dans plein de cadres. Donc là dans le cadre éducatif, mais dans d'autres cadres aussi. Et c'est vrai que ça va faciliter en fait donc non seulement les échanges entre les personnes, mais ça va pouvoir aussi, si vous avez par exemple des objectifs de travail en groupe, ça va pouvoir faciliter en fait cette atteinte des objectifs et la réalisation d'un travail en groupe. Je sais que une démonstration, bah, la dernière que j'ai vue là-dessus, c'est bah, Pierre et Ingrid qui me l'ont montré parce que je suis allé en période de travail auprès d'eux il y a peu et qui justement au travers de la médiation Cameline. Faisait des travaux en fait en groupe d'élèves au travers de justement de cette participation à des ateliers avec des chameaux. Est-ce que Pierre et Ingrid pouvaient nous décrire ce temps-là ou un autre si vous préférez de voilà. Concrètement, pour les gens qui écoutent, comment ça peut se dérouler? Donc, voilà. Cette séance-là, si vous voulez bien. Mais... Oui, alors du coup, ce qu'on essaye de faire, du coup, c'est qu'on va déjà voir avec les enseignants de la classe de référence quelle est la notion à travailler. Une fois qu'on sait quelle est la notion, bah, nous, on va essayer de lever tous les implicites, c'est-à-dire bah, comment l'élève va pouvoir arriver à atteindre cet objectif-là et à du coup atteindre cette compétence. Et on va concevoir un parcours qui va essayer de reproduire toutes les étapes pour que l'élève puisse, avec l'animal, du coup, bah, passer dans toutes ces étapes-là et puis que les différents canaux soient mobilisés. Donc, il y a à la fois le canal visuel, à la fois le canal auditif, la mémoire kinesthésique, puisque l'enfant est en mouvement, et aussi une mémoire un peu affective, puisque du coup, il y a un lien avec l'animal qui se tisse. Et du coup, quand on décompose cet apprentissage-là, pour l'enfant, du coup, c'est plus simple de reproduire la tâche scolaire une fois dans la classe. D'accord, merci beaucoup. Les autres collègues qui font de la médiation animale, est-ce que vous pouvez nous raconter un exemple de séance? Parce qu'en plus, vous avez des publics tout à fait différents, donc c'est très intéressant. Hélène? Oui, alors c'est un moment où j'ai été surprise. sur un objectif qui n'était pas à travailler ce jour-là et puis qui s'est révélé être une avancée pour un élève. Donc c'est un élève qui était réfractaire aux mathématiques hein, et donc un CP et qui sur la numération et sur la suite numérique s'arrête sauter systématiquement de 14 jusqu'à 17. Bon. Et donc du coup il avait demandé à travailler avec le chien, donc avec le foulard bleu. Sur le tapis, il s'était mis avec les suites numériques et on lui avait demandé en autonomie, donc de toute façon on était on surveillait en autonomie de construire la suite numérique jusqu'à 20. Et puis bon, il a fait sa petite patouille, il a appris les chiffres qu'il connaissait pour se mettre en sécurité. Et il les a disposés sur la queue du chien, qui est une large queue en panache. Et puis, au bout de 3-4 minutes, je le voyais ne plus rien faire à part caresser le chien. Donc, je me suis avancée vers cet enfant et puis je lui ai dit, bon, sur tes lèvres, pardon, je lui ai dit, bon, as-tu fait ta suite numérique? Il me dit, je crois pas. Bon, et qu'est-ce que tu as fait? Ben, regarde, j'ai placé le 1 en haut de la queue et le 10 en bas de la queue. Ah bon? Et pourquoi? Alors, moi, je n'avais pas encore visualisé l'objectif qu'il avait atteint. Et lui, il m'a mis des mots sur cet objectif. Il m'a dit, ben regarde, la queue, elle est plus petite à 1 et elle est plus grande à 10. Donc 10, il est plus grand que 1. Il avait fait sa suite numérique de 1 à 10 en mettant les noms et il avait pris conscience que de 1 à 10, le nombre 10 était plus grand que le nombre 1. Donc voilà, voilà comme quoi on peut se faire surprendre dans une activité de médiation par l'animal où l'animal, là, il était facilitateur de la mise au travail dans les mathématiques pour cet élève-là qui n'aimait pas du tout ça parce qu'il avait des difficultés, effectivement. Et là, il avait trouvé, et donc du coup, vous vous rendez compte, la valorisation d'avoir trouvé quelque chose quand il a déjà vu mon regard, parce que je suis quand même assez, moi, au niveau non-verbal, je suis championne, j'ai les yeux qui s'écarquillent et il a vu combien j'ai été reconnaissante de m'avoir expliqué qu'il avait trouvé que le 1 était plus petit que le 10. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, bien sûr, hein, mais celui-là était mignon parce que je me suis fait surprendre. Merci beaucoup. Ingrid? Moi, enfin, justement, par rapport à ton anecdote, il y a une fois, donc l'une des premières séances, enfin séquences même, sur lesquelles on avait collaboré avec Pierre, c'était des verbes irréguliers en anglais. On l'avait travaillé en médiation équine et canine. Et il y a un élève donc, qui avait besoin d'aide pour écrire, qui avait besoin des adaptations, donc code couleur, pictogramme, etc. pour son évaluation. Et le jour J, je lui donne sa copie avec les adaptations et puis tous les codes qu'on avait déjà utilisés. Et il me dit, bah non, madame, en fait, je ne veux pas des adaptations, je suis capable de le faire tout seul. Et donc, on retourne la feuille et tout seul, il a écrit, donc je lui mets juste la première forme, comme on fait hein, pour les verbes irréguliers, la base verbale. Et puis lui, il remplit tous les verbes irréguliers avec la traduction sans faire aucune faute, alors qu'en fait, c'était problématique pour lui à la base. Et c'est vrai qu'il était super content. Il a dit, mais je les connais tous, je lui ai noté sûr. Il dit, oui, allez-y, mettez les verbes. Et en fait, il y en avait une quinzaine de verbes sur la feuille. Et il était capable de le faire tout seul, rapidement, sans faire de faute. Donc, bah, il a une très bonne note. Voilà. Super, merci. Fanny, en maternelle? Enfin, moi, je me racontais l'anecdote des croquettes et des mathématiques, mais il y en a sûrement d'autres. Moi, Jana, c'est ma petite mamie, hein, les enfants le savent, elle a 10 ans et demi, donc voilà, on fait attention à Jana. Donc, avec Jana, on fait des séances de langage autour du soin à l'animal. Donc, ça, c'est essentiel parce qu'en fait, dans un groupe, alors cette année, j'en ai 24, mais l'année dernière, j'en avais 33. Dans un groupe, souvent, les enfants, ils n'osent pas forcément prendre la parole, c'est compliqué d'être face au groupe. Et donc, là, quand on est quatre avec Jana, ben, je les entends tous parler. Donc ça, pour moi, c'est indispensable en fait d'avoir ce temps, cet espace là où bah, soit on parle de Jana, soit on aborde des notions de grammaire aussi, hein, parce que avec des enfants de 3 ans, parfois dire je, c'est compliqué. Donc apprendre à dire je caresse Jana, je brosse Jana et pouvoir le réinvestir après, c'est important. Mais on parle aussi de leurs animaux, en fait. Souvent, on fait référence à leur animal et là, du coup, la parole se libère. Et avec Tess, qui a, elle, 2 ans, qui n'a pas le même caractère. C'est une Golden aussi, mais elles n'ont pas du tout le même caractère. Elle va beaucoup plus chercher l'interaction. D'ailleurs, c'est un de mes indicateurs à moi aussi, parce que quand un enfant ne va pas très bien, Tess va y aller systématiquement et faire des petites léchouilles de temps en temps, ou quoi, ou se coucher à ses pieds. Voilà, c'est mon indicateur. Et avec Tess, eh ben, on fait de la numération. En fait, tous les vendredis, on fait des ateliers de numération. Donc, on a des fausses gamelles ou des faux chiens et on va chercher des croquettes et on met le bon nombre de croquettes. Et avec mes moyens, on joue au vendeur de croquettes. Donc, voilà. Et du coup, Tess est à faire les allers-retours. Hein. Elle les suit. Donc, ils sont super motivés. Et chaque fin d'atelier spécifique avec la chienne, et on la récompense, on la remercie d'avoir travaillé avec nous, et du coup on lui donne des friandises, donc soit dans des jeux, c'est toujours, enfin Jana on lui donne directement parce que c'est plus trop une grande joueuse, mais Tess comme elle adore jouer, ben, on la félicite en lui donnant dans un tapis de fouille, dans une balle où ça tourne et puis du coup les friandises sont lâchées, ou dans un jeu d'intelligence. Et ce moment-là, il est primordial pour tous les enfants, c'est-à-dire que c'est ritualisé maintenant. Et c'est primordial pour la chienne aussi. Elle sait que quand on arrive en fin de séance, eh ben, elles ont ce petit moment de friandise, quoi. Mais avec Tess, oui, on compte beaucoup. Et moi, je me rends compte que ça ancre vraiment l'apprentissage numérique. Merci. Delphine, en lycée pro, comment ça se passe? Pour ma part, c'est vrai qu'en classe, je travaille déjà toujours en travail coopératif, mais plutôt flexible. C'est vrai quand le chien est là, ça facilite la mise à la tâche, c'est clair. Ça dédramatise aussi, surtout la matière. Il faut être clair que je suis quand même prof de maths avant tout. Donc, quand ils arrivent au lycée pro et qu'ils voient que la prof de maths a un chien dans sa classe, et pas les autres, enfin, ils sont contents de m'avoir. Après, j'ai la chance de suivre mes élèves au moins 2 ans, voire 3 ans. Donc, en fait, j'ai une vraie relation qui s'instaure. Maintenant, les chiens au lycée peuvent intervenir. Enfin, l'année dernière, on faisait des lectures à voix haute en atelier, donc en dehors de mes séances de cours. Ils participaient à des heures de vie de classe. Ça peut arriver de participer à des ateliers de sensibilisation au harcèlement. Ils ont déjà accompagné aussi des élèves à des réunions éducatives. J'ai déjà reçu des parents aussi avec le chien. Et voilà, à chaque fois, ça a permis de faciliter la communication et d'avoir toujours, en tout cas, une relation apaisée. Je pense que c'est quand même primordial pour la mise au travail. Voilà, cet apaisement. Et puis, il n'y a pas très longtemps, pour une petite anecdote, j'avais un élève dans une classe qui avait subi la veille un lot d'insultes de la part de ses camarades. Et bon, il y avait en classe de CAP, ça avait dégénéré. Voilà, le jeune était reparti chez lui en pleurant. Il avait été victime de harcèlement au collège et on était inquiet pour lui. Et le lendemain, donc, les autres étaient exclus. Et lui, il est revenu et j'ai ramené le chien. Je ne l'avais pas prévu, mais du coup, je l'ai amené. Et il a passé beaucoup de temps à caresser le chien. Et il m'a dit, oh, je suis content. Et du coup, je lui ai dit, bah, ça va. Oh, oui, ça va, je suis content. Et en fait, il a passé l'heure, il a travaillé. Il s'installe à côté du chien. Et puis voilà, puis on est reparti. Et moi aussi, je dis, ah, c'est ça. Désolée, je suis un peu émue aussi, ça va aller. Nicolas et Marine, du coup, qu'est-ce que vous avez pu observer comme séquences ou interventions qui vous ont marqué? Moi, en fait, je vais plus rebondir en fait sur l'ensemble, je vous avouerai, parce que en fait, je trouve que les témoignages en fait qui viennent tous de donner en fait sont assez criants et assez parlants. Et je pense qu'il faut laisser à César ce qui revient à César, hein, puisque c'est eux en fait qui réalisent ce travail, qui sont vraiment au quotidien. Moi, ce que je note en fait surtout, c'est que ce qu'il faut entendre dans les témoignages qui viennent d'être dits et transmis à l'instant, c'est que on voit des professionnels qui sont pas là en fait à amener un animal en fait en classe pour se faire plaisir ou pour faire plaisir à leurs élèves. On a réellement, en fait, alors d'une, bon, une visée, comme Delphine le décrivait, qui peut être là sur tout ce qui est support émotionnel et bien-être du jeune. Mais avant tout, ce que vous avez, c'est des professionnels qui sont en train de viser à réaliser un travail et à révéler des compétences chez le jeune qu'il ne parviendrait pas à avoir, en fait, juste dans l'interaction entre humains. Là, c'est notamment les exemples, en fait, qu'Ingrid et Hélène, en fait, vous donnent, en fait, et qui vous montrent, en fait, ces compétences que votre jeune n'aurait pas révélées autrement que si l'animal avait été présent. Et vous avez aussi, de l'autre côté, le témoignage de Fanny, où on est dans cette situation où cet engagement, en fait, dans un jeu, en fait, de marchand, en fait, si l'animal n'était pas là, le jeune ne se serait peut-être pas, en fait, engagé dans un jeu de marchand classique, en fait, pour travailler ces notions de mathématiques. Donc, l'idée, c'est réellement, en fait, de révéler ce qu'on ne pourrait pas révéler dans la simple interaction humaine. Et c'est vrai que des fois, voilà, il y a des choses et des compétences, en fait, complètement inattendues qui peuvent apparaître. Ce qui est vrai, c'est que l'animal a une capacité de faire sauter des verrous à tout moment, qu'on soit dans des situations où on souhaite que ces verrous sautent, mais aussi de manière totalement impromptue. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans cette pratique, c'est que ça peut vraiment être facilitateur à tout moment. Et les verrous, ils sautent aussi bien chez les jeunes, mais aussi chez les enseignants, les collègues. Et en fait, c'est vraiment une synergie qui se passe. C'est pas seulement l'animal est présent pour les élèves. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus global et qui peut carrément changer une dynamique, d'une classe, d'un établissement. Et c'est pour ça que je voudrais citer un exemple pour répondre à cette demande un petit peu d'anecdote. Donc, j'ai travaillé avec Émilie Pignard et son chien Ron, donc son chien d'assistance. Et elle m'expliquait qu'avant, sa classe était un petit peu vue comme la classe des, pas des parias, mais en tout cas mis à part, hein, avec le dispositif Ulysse. Et aujourd'hui, c'est la classe de Ron où tous les élèves du collège-lycée aiment passer pour venir discuter avec les jeunes, mais aussi avec Ron. Et du coup, le regard de tous les jeunes ont changé sur les jeunes du dispositif Ulysse. Alors que finalement, ce n'était pas l'objectif premier, mais on a une sorte de fédération de l'établissement autour de ce projet. Et ils ont plein de choses à faire tous ensemble au niveau d'établissement et plus seulement autour de cette classe dispositif Ulysse. Et d'ailleurs, ce qui est important, je vous invite à aller voir en fait et suivre Émilie sur les réseaux sociaux, c'est que cette intégration de Ron en fait dans le dispositif Ulysse, un jeune a fait une chanson en fait pour Ron, donc un jeune du dispositif Ulysse. Résultat, c'est devenu un véritable projet d'établissement où des jeunes hors dispositif Ulysse se sont également intégrés pour chanter cette chanson, etc. avec ce jeune. Qui du coup faisait partie, comme le disait Marine, de ce dispositif qui était initialement le groupe en fait de jeunes qui était un peu le moins attractif initialement. Donc c'est vrai que ça peut changer toute une dynamique aussi dans l'établissement. On mettra le lien pour la suivre sur les réseaux sociaux. Hélène, tu voulais intervenir? Oui, je voulais juste mettre en image, parce que c'est souvent quelque chose que je réfère comme ça, que j'explique comme ça, que l'animal qui peut être visualisé comme une araignée au milieu de sa toile, il va permettre les possibles. Et les possibles, il les tisse, vous voyez, de façon à agrandir ce cercle, ce maillage. Et chaque petite intersection qui peut représenter l'interaction qu'on peut rencontrer entre cet animal et le bénéficiaire, c'est impossible. Et donc, c'est une multiplicité de possibles qui naît. Ce petit animal qui est parti au centre et dont on ne se doute pas en fait qu'il puisse faire autant. Et moi, je remercie les chercheurs qui permettent de mettre des mots et parce que de par leur science, leur nom scientifique, explique comment le cerveau humain arrive à faire ces connexions qui permettent ce rapport à l'animal et comment l'animal, de l'autre côté, en comprendre que les interactions de l'animal au niveau de son cerveau permettent la compréhension de l'humain. Voilà, je remercie tous ceux qui cherchent autour de tout ça, parce qu'il y a de scientifiques, ça crédibilise un petit peu cette, notre pratique, parce que nous, on n'a pas les mots, et à plusieurs, on est plus fort. On a vu beaucoup de bénéfices pour les élèves, que ce soit les apprentissages, les CPS, le bien-être, la restauration, quand on voit l'élève de Delphine. Est-ce que les animaux, ils gagnent quelque chose? Alors, c'est peut-être empirique, hein, du coup, je ne sais pas du tout si c'est scientifique, mais qu'est-ce que vous voyez de vos animaux, Fanny? Alors moi, elles sont heureuses quand elles vont à l'école. Elles viennent avec envie, elles passent le portail, elles vont à fond dans le couloir. Tess, quand elle est ma plus jeune, quand elle est heureuse, elle prend un doudou. Et donc elle va chercher son doudou et après elle revient en arrière et elle va dire bonjour à la classe d'à côté, aux enseignants de la classe d'à côté, elle fait son tour. Voilà, ça, elles sont vraiment joyeuses. Et d'ailleurs, les grandes vacances, donc c'était la première fois cette année, ma plus jeune Tess, elle était triste au bout de 3 semaines. Voilà, elle n'avait pas suffisamment l'apport de rencontres sociales, de travail qu'elle avait le reste de l'année. Donc moi, j'ai une hyper vigilance à avoir. Sur les temps où on est en vacances scolaires, en fait. D'accord. Merci. Hélène? J'avais envie de dire que ça ne sert pas simplement l'animal médiateur, mais ça sert les animaux. Parce qu'au travers du regard que les bénéficiaires vont porter sur cet animal-là, avec lequel ils ont un rapport privilégié, eh ben, ça peut leur permettre un autre regard sur les animaux en général. Donc, j'ai envie de dire que ça passe simplement une. Ça sert à cet animal-là, mais à tous les animaux. Merci beaucoup. Delphine? Moi, je dirais que, un peu comme Fanny, en fait, elles sont contentes de venir avec. Alors, deux de mes chiennes, la plus vieille avec qui j'ai commencé, la plus jeune, sont des border collies. Deux lignes de travail en plus, donc des chiens qui ont absolument besoin de faire quelque chose. Alors, ce n'est pas suffisant. Je pense que si je les emmenais juste au lycée, ça ne serait pas suffisant pour elles. Il y a d'autres activités à côté. Et ça leur fait une activité supplémentaire et un chien d'utilité. Donc, oui, elles savent. D'ailleurs, elles n'ont pas le même comportement quand elles sont ici que quand elles sont à la maison et qu'on n'est pas au travail. Voilà. C'est amusant, en fait, de voir que là, les chiens, elles prennent leur posture quand elles arrivent ici. C'est pas tout à fait la même chose. Mais oui, ça complète. Complètement. Moi, je pense que bah, c'est toujours notre regard à nous. Je ne peux pas répondre à leur place, mais je pense que. Marche, merci. Pierre? Et nous, de l'autre côté, on travaille avec Tolstoï. Tolstoï, c'est un jeune chameau qui a 5 ans. Et comme nos élèves, c'est très compliqué pour lui de gérer ses émotions. Quand il les voit, souvent, en fait, il a une explosion de joie et ça se traduit par je saute dans tous les sens, je vais battre du postérieur, sauf que c'est dangereux. Et en fait, au contact des élèves, bah, il a appris aussi, lui, à se réguler. Et c'est important aussi que les élèves voient ça parce qu'ils se rendent compte que tout le travail qu'ils mettent en œuvre pour bah, s'adapter à Tolstoï, bah, Tolstoï le fait aussi avec eux. Et bah, notamment, ce qu'avait vu Nicolas, c'est que nous, on essaie de mettre en place des obstacles qui confrontent un petit peu Tolstoï à ses peurs. Et on essaye que justement bah, le collectif des élèves, du coup, lui fasse passer cette peur-là. Et ça renforce aussi la confiance de l'animal en lui-même. Merci beaucoup. Nicolas? Et en fait, ce qui est important aussi dans cette question de qu'est-ce que ça apporte en fait à l'animal, c'est que ce qu'on entend en fait dans tous les témoignages que vous avez là, c'est des professionnels qui font en sorte à ce que leurs animaux restent équilibrés. C'est-à-dire qu'on fait en sorte à ce que, en priorité, le besoin en fait à des animaux qu'on fait intervenir en médiation soit satisfait. Donc, par exemple, on donne les temps de sortie, on respecte en fait est-ce que oui ou non ils ont envie d'intervenir. Ou par exemple, là, le dernier exemple que donnait Pierre avec Tolstoï. Ben, si Tolstoï a envie en fait de faire le fou parce que les jeunes sont là et qu'il est excité en fait de les voir venir, ben on laisse Tolstoï en fait prendre son temps et seulement après on va faire l'intervention avec les jeunes et les jeunes pourront approcher en sécurité. Et le fait d'avoir ces animaux équilibrés déjà c'est un premier garant que aussi c'est non pas que ça leur apporte mais au moins qu'il y a pas d'impact négatif pour eux. Par ailleurs, je pense que tous pourront témoigner qu'ils font des suivis vétérinaires réguliers avec leurs animaux. Notamment, la plupart vont avoir réussi à trouver un bon veto comportementaliste qui leur permet de s'assurer en fait que tout est OK, tout est correct pour leur animal et qu'il n'y a pas de dégradation. Et puis, un élément qui a souligné, c'est que la plupart, en fait, des espèces qui vont être utilisées en médiation, ça va être des espèces avec des animaux qui sont sociales. Donc, des espèces qui sont sociales et qui ont une tendance et un besoin, en fait, à vouloir être en contact des autres. Donc, c'est pour ça, par exemple, qu'on va préférer, en fait, beaucoup intervenir, là, je donne cet exemple-là, mais avec des chiens, qui sont des espèces par définition sociales et qui vont être, entre guillemets, beaucoup plus heureuses en contact avec des jeunes et à proximité avec des jeunes, plutôt que d'être laissé 8 à 10 heures de temps pendant qu'on est au travail, seul au domicile. Hélène, tu voulais réagir? Oui, rapidement, mais je voulais donner un exemple d'autres animaux avec lesquels je travaille, mais pas à l'école cette fois-ci, mais avec ce sont deux ânes. Donc, c'est un frère et une sœur qui sont indissociables parce que, donc, du coup, c'est un tempérament très grégaire, l'âne. Et donc, du coup, ces ânes, ils ont besoin, enfin, un en tout cas, a besoin de se détendre après avoir fait des séances ou avoir fait Et donc, du coup, ils réclament, donc, en se collant contre nous, il réclame sciemment qu'on lui descende des oreilles toute la colonne vertébrale jusqu'au couard, donc c'est-à-dire sous la queue. Il adore être caressé sous la petite queue, c'est très très doux d'ailleurs. Et il adore se toucher. Et en fait, c'est une technique de massage qui m'a été initiée par une ostéopathe, pas canine du coup, mais équine, qui vient les visiter 2 fois par an. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il était en demande de ça. Donc, je me suis rendu compte que pour son bien-être, hein, ben, il demandait cette caresse-là. Voilà. Après, on peut vous en passer des exemples de ça, non seulement vétérinaire, ostéopathe, mais après, au quotidien, quoi, les brossages, s'ils ont besoin de soins, être à l'écoute de leurs maux aussi. Hein, s'ils ont une petite boiterie, ben, effectivement, ben, on ne va pas les amener travailler. Merci beaucoup. Marine? Et en fait, ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'il n'y a pas que l'animal qui aime ou pas travailler, c'est aussi un duo. C'est le professionnel avec son animal et la qualité du lien qu'ils ont tissé et la confiance qu'ils ont l'un envers l'autre. Et c'est vraiment indissociable. Souvent, on met un petit peu l'animal en avant, mais je pense qu'il ne faut pas oublier la qualité de ce lien qu'il y a entre ce professionnel tel qu'il soit et l'animal avec qui il travaille, parce que sans ce lien de qualité, en fait, tous les apports qu'on a mentionnés n'existeraient pas. Typiquement, on prendrait le même animal et on le mettrait avec une autre personne, c'est pas la même chose qui se passerait. Donc c'est vraiment le duo. Et très souvent, on oublie un petit peu le professionnel qui est le parent pauvre, parce que certes, il faut faire très attention au bien-être de l'animal, mais il faut aussi porter attention au bien-être de l'intervenant, parce que c'est eux ensemble qui travaillent en synergie. Merci beaucoup, Nicolas. Oui, alors je peux que remercier Marine parce qu'elle a anticipé un point que je voulais souligner. Donc c'est superbe que c'est celui en fait de pas oublier en fait tout le travail réalisé par le professionnel derrière ça. On n'est vraiment pas sur une solution pilule magique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un professionnel qui réalise un travail en collaboration avec l'animal de médiation avec lequel il intervient. Et toujours dans cette question du lien, ce qui est important aussi à pas négliger, c'est la question en fait de l'attrait et de l'intérêt du jeune et du lien que le jeune établit avec l'animal. Au travers déjà des éléments qui ont été donnés par toutes les personnes qui sont autour de cette visio, vous avez dû entendre que on est dans des situations où si le jeune n'a pas d'intérêt aujourd'hui, si le jeune n'a pas d'attrait aujourd'hui, on ne force pas et on ne réalise pas l'intervention. Et c'est un élément clé parce que c'est vrai que au niveau scientifique, nous on commence à avoir des premiers éléments qui nous montrent que si l'enfant n'a pas d'attrait, si l'enfant n'établit pas de lien en fait avec un animal, celui-ci en fait n'en extrait pas en fait de bienfaits. On est vraiment dans la circonstance en fait sous un terme très scientifique qui est celui du pas de bras, pas de chocolat, et où sans attrait minimal, on n'a pas de bienfait qui va pouvoir en découler. Merci beaucoup. Delphine? Justement, je voulais rebondir là-dessus, c'est-à-dire qu'en effet, ce n'est pas une baguette magique et que de mon point de vue, pour que ça fonctionne, il faut aussi qu'en tant qu'enseignant, on soit conscient que ça peut être une contrainte toujours autant chiant, c'est-à-dire que en fait, il faut que les préparations soient verrouillées en amont. Il faut avoir déjà une gestion de classe maîtrisée. Le chien, il a même pas, il règle pas un problème de gestion de classe. Ça, c'est clair et net. Il n'est pas là pour ça. Donc, en fait, quand j'entends beaucoup, hein, donc, qui disent, ah, bah, moi aussi, je vais prendre mon chien et puis je vais l'amener. Et puis, bah, c'est pas aussi simple parce que, en fait, il faut beaucoup y réfléchir. Le jour où le chien est là, c'est une fatigue supplémentaire parce qu'il faut observer les élèves, il faut observer le chien, il faut faire front, il faut être disponible, il faut gérer tout le monde. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est tout simple. Hein. Allez vite fait faire ses photocopies parce qu'on a oublié. Ben non, le jour où le chien est là, ça veut dire que la veille, on a tout préparé. C'est exactement ce qu'on doit faire. Et on est disponible uniquement pour, en plus, gérer le chien et l'interaction. Donc, voilà, moi c'est le frein aussi que je mets à ça. C'est pas aussi simple. Il y a des jours où on apprend pas parce que je suis fatiguée, en fait. Et je me sens pas de la gérer en plus. Donc, tout simplement, je pense que c'est un garde-fou à mettre dans l'installation de ce genre de pratique. Voilà. Ma dernière question en lien avec ça et ton intervention sur la posture. Du coup, est-ce que c'est vos postures, vos pratiques professionnelles, vos gestes professionnels qui vous ont amené à faire de la médiation animale, ou est-ce que la médiation animale a modifié vos postures, vos pratiques, vos gestes professionnels, ou est-ce que c'est les deux? Et est-ce que vous voyez du coup aussi chez des collègues du coup autour que ça modifie des choses, Ingrid? Alors, moi, je voudrais intervenir parce que, bah, à la base, la médiation animale, j'ai atterri dedans, voilà, je suis tombée dans la soupe, voilà. En fait, moi, ce qui m'a emmenée là, c'est que bah, je suis arrivée au collège en même temps que Pierre. Et donc, en tant que prof d'anglais à la base, j'avais besoin de comprendre comment il fallait procéder pour faire les adaptations pour mes élèves. Pas me contenter de lui envoyer pour qu'il m'adapte les évaluations ou les cours, parce qu'on est toujours face à des situations imprévues en cours. Donc, c'est important de comprendre le mécanisme de l'élève qui bénéficie du dispositif Ulysse. Et lui, en échange, il avait besoin de 3 conseils pour les cours d'anglais, pour savoir ce qui était l'information à extraire et qui était indispensable pour l'élève. Et en fait, un jour, pour faire bref, j'ai eu un souci en cours avec un élève du dispositif. Et bah, c'est vrai que bah, mon regard sur le handicap a changé à partir du moment où il y a eu l'intervention de Rico en cours, parce que j'ai pu entendre l'élève parler au cours des premières séances de Pierre, son mal-être, des difficultés auxquelles il faisait face. Et c'est vrai que bon, je ne vais pas faire des très longs et des vieux longs, mais quand je repense à chaque fois à ces séances, ça m'avait beaucoup émue. Et c'est vrai que bah, si j'en suis là aujourd'hui, c'est que je dois à cet élève-là, parce que ça m'a fait totalement changer de regard sur le handicap, en fait. Et donc, et ben voilà, c'est pour ça aussi que je me trouve là aujourd'hui, parce que ce que ça a lui apporté et tout ce qu'on a fait ensemble après, parce que cet élève-là, ben, les mois qui ont suivi, ben, j'étais son prof particulier, on a beaucoup discuté, on est déjà revenu sur la situation justement qui avait mené ce jour-là à l'incident en cours. Et c'est vrai que lui-même m'expliquait qu'il ne comprenait pas vraiment ce qui lui était arrivé parce qu'il avait un problème de gestion des émotions et on a pu travailler ensemble là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. Il y avait Fanny qui voulait intervenir. Moi, je suis arrivée, comme je disais, parce que j'avais un groupe, d'élèves qui était compliqué. La mayonnaise ne prenait pas entre eux. Et j'arrivais aussi, ça faisait une vingtaine d'années que j'enseignais, et j'arrivais à un moment où j'avais plus de solutions, d'innovation. Enfin, j'avais besoin aussi de me renouveler dans ma pratique, clairement, d'avoir un nouvel axe de travail, une nouvelle façon de voir les choses. Et ce projet me comble en fait, m'a redonné foi dans mon métier. Clairement, j'y trouve un intérêt, j'ai une vision de mes élèves qui est changée aussi. Et ma pratique est complètement différente en fait. J'ai ma vigilance sur mes petits, mon œil est encore différent parce que mes chiennes vont m'apporter un nouveau regard en fait sur la relation que peut instaurer l'enfant avec. Et moi aujourd'hui, ma problématique, c'est je ne me verrai plus enseigner sans elle en fait, D'accord. sans cet apport de la médiation. Parce que vraiment, ça ouvre un champ des possibles qui est incontestable. Et je ne pourrai plus enseigner comme j'enseignais avant, en fait. Et comment ton regard a changé, ton regard change, a changé sur tes élèves? Ben, c'est-à-dire qu'il y a des choses que par exemple, que je ne pouvais pas détecter. Que Tess va aller m'indiquer. C'est-à-dire D'accord. que un enfant qui va être mal pour des problèmes familiaux divers et variés, s'il n'est pas bien, on le voit parfois, les enfants, on les connaît à force d'être avec eux, mais il y en a qui sont très forts pour cacher les choses. Et Tess, elle est capable de, ben, comme je disais tout à l'heure, d'aller le léchouiller systématiquement. Au coin regroupement dès qu'il est assis, d'aller s'asseoir à ses pieds, c'est un indicateur incroyable. Ou un enfant qui arrive et qui va direct la voir, lui faire un bisou, lui faire un câlin, bonjour, tu vas bien, enfin, parce qu'il leur parle comme entre eux en fait. Et leur présence lève des choses émotionnelles qui sont difficiles pour eux. Et qui permettent de faire la transition famille-école. D'accord. Ben, merci beaucoup. Hélène? Moi, je souhaite revenir sur la pratique professionnelle quant à la relation qui se co-construit, enfin, de la co-construction des séances avec les professeurs. Parce que moi, dans ma position d'AESH, cette position n'était que dans l'accompagnement au départ, je ne le ressentais comme ça, que dans l'accompagnement des élèves. Et là, vraiment, avoir cette implication et ce partage co-constructif des séances grâce à la médiation par l'animal, non seulement ça revalorise la position de l'AESH, mais ça donne du sens à mon métier. Ça donne du sens à cette adaptation, ces efforts d'adaptation que j'aurais fait peut-être sans présence du chien, mais que l'animal me permet de encore une fois élargir les possibles et d'être une pratique complémentaire à ce que je proposais avant. Et dans la complémentarité, c'est vraiment, j'apprécie ce travail de co-construction avec les équipes éducatives. Merci beaucoup. Et Delphine qui envoie des messages et du coup vous n'entendez pas et donc je voudrais bien, si tu veux bien intervenir pour expliquer ce que tu disais. Excusez-moi, je commence à filer de la voix. Non, je voulais rebondir sur ce que disait Fanny. Je trouvais que je ressentais la même chose qu'elle, quoi. De parfois voir les élèves autrement. Et en y réfléchissant, je me disais que le chien, en fait, comme il est sans jugement, il va vers les uns les autres, il débloque des choses. Et nous, parfois, bah, si on est des êtres humains, on a beau essayer de ne pas en avoir, on a des a priori. Et il m'a souvent aidé à lever des a priori sur des élèves. Voilà, c'est-à-dire, voilà, je pensais comme ça, et à voir comment se comportait le chien avec lui, ou comment l'élève se comportait avec le chien. Alors, je me suis dit, bon, en fait, mon truc. Ça, c'était vraiment intéressant. Enfin, voilà. Et puis, Ça me dit de se remettre en question. tu en as un peu parlé sur le post-confinement, mais les élèves de lycée pro ont beaucoup de décrochage scolaire, malheureusement. Est-ce que la présence de ta chienne, de ton chien, je ne sais plus, fait qu'ils sont plus présents, qu'ils s'accrochent Alors, plus c'est une grosse question, c'est un gros questionnement parce que c'est un de nos objectifs. On a beaucoup de décrochages, notamment CAP. Maintenant, comme on dit, on ne peut pas comparer avec ce qui serait passé si ça n'avait pas eu de chien. Donc, ça, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est mesurable? Bon, voilà, j'ai l'impression quand même que ça permet de débloquer des choses. Après, je me dis, c'est pas une baguette magique. Après, moi, ils n'ont pas toute la journée non plus, hein, donc ils viennent avec moi, c'est quelques heures dans la semaine. Par contre, on a observé depuis 3-4 ans, chaque année, on emmène des classes faire des séances de canicross avec le collègue de PS et les bénévoles de mon club. Et régulièrement, et ça arrive tous les ans. Donc on emmène plusieurs classes, y compris des classes que je n'ai pas. Donc les CPE en général viennent avec nous, etc. Et on observe toujours que ce jour-là, on a des élèves qui parfois sont décrocheurs, mais qui viennent ce jour-là. Donc en fait, parfois, ça permet de les raccrocher un petit peu. Voilà. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que dans ces situations-là, on n'a pas la main sur tout. Une petite chose voilà, qui permet peut-être ce jour-là d'aller. Il est là, on lui parle, on essaye de voir pourquoi il vient, etc., etc. Donc, ça peut aider, ça règle pas tout, hein. Ça, c'est clair, Ah je oui, bah pense. c'est comme vous disiez Pas tous, c'est rêver. rien n'est magique de toute façon et C'est c'est un ça. processus Enfin, multifactoriel complexe, c'est ça. le C'est ça. décrochage, mais voilà, en tout cas, y a C'est une un action. outil, pas un. Voilà. Enfin, j'aime pas dire le mot outil parce que c'est un Oui. animal, mais disons que c'est une méthode. Voilà. C'est quelque chose en C'est un plus parmi d'autres accompagnateur. choses. Voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas la seule chose importante pour régler ce problème, quoi. Merci. Ingrid? Oui, désolée, je prends la parole avant Nicolas. C'était juste pour revenir voilà, au regard changé par rapport aux élèves. Donc, on a parlé de notre point de vue personnel, mais c'est vrai que l'an dernier, en fin d'année, on a fait venir des rapaces à l'école. Parce qu'on avait travaillé comme activité team building pour le dispositif Ulysse. On avait emmené les enfants à la vaulerie du forêt, avec faire un travail avec le chameau, travailler avec des rapaces et nourrir des perroquets. Et c'est vrai que du coup, en fin d'année, en clôture, on les a fait venir dans l'établissement. Et bah, les collègues qui ne se rendent pas forcément tout le temps compte de ce que ça peut donner lors des séances de médiation animale, parce que bon, parfois ils ont cours, donc ils ne peuvent pas tous participer. Ben, c'est vrai que quand ils ont vu les élèves du dispositif Ulysse brandir leurs rapaces, les faire voler à travers la cour et la confiance qui se dégageait d'eux, ben, ils étaient impressionnés parce que c'est quelque chose que la plupart n'auraient pas fait non plus. Et puis ils ont pris l'événement très au sérieux, ils sont mis sur leur 31, ils ont fait, enfin voilà, il y avait d'anciens élèves qui sont venus, qui ont passé le relais aussi aux élèves, c'était très symbolique. Et c'est vrai que voilà, c'est pas seulement nous quand on est au contact direct avec les élèves, mais c'est aussi la transformation qui s'opère quand les élèves sont au contact de leurs autres professeurs et dans leur classe de référence. Ils le remarquent. Même s'ils ne le disent pas tout le temps tous, ils le remarquent. Voilà. Merci beaucoup. Et Nicolas pour l'intervention de la fin. Oui, je vais peut-être justement en fait dériver sur un dernier sujet. Pour ma part, en fait, ce qui m'a initialement motivé à aller en fait dans cette thématique de recherche-là, c'est le fait que moi j'avais fait plusieurs années de recherche sur les chiens d'assistance auprès des jeunes avec TSA. Et dès que ces jeunes, parce que normalement un chien d'assistance peut intégrer tous les lieux publics et tous les secteurs publics, mais dès que ces jeunes voulaient intégrer leur chien à l'école, il y avait des levées de boucliers. Et voilà, ce qui ternissait des fois un petit peu les apports. Ce qui fait que j'ai voulu en fait m'intégrer dans ces recherches sur la médiation animale. Et malheureusement, comme vous l'entendez ici, aussi au travers de certains petits points qui ont été donnés en introduction, on va avoir eu des professionnels qui ont dû se battre un petit peu et qui ont eu ces levées de boucliers-là, eux aussi, pour pouvoir intégrer les animaux et ce travail de médiation auprès des jeunes auprès desquels ils interviennent. Et donc la CARDI en fait et l'Académie de Montpellier est assez exemplaire et progressiste dans ce travail-là, mais toutes les académies sont pas équivalentes. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec Ingrid et Pierre, on lance un travail de recherche qu'on lance en janvier de cette année, fin de l'année prochaine, pardon, sur justement cette question en fait des apports sur de la médiation animale sur à la fois le comportement de l'élève, mais aussi sur l'intégration des apprentissages. Pour essayer de valoriser auprès de l'éducation nationale et des académies l'impact que peut avoir la médiation animale. Donc, on croise les doigts pour que ce soit attendu et que ça puisse donner l'écho qu'on souhaite. Mais en effet, enfin, je pense que tous les professionnels ici vous le diront, il y a encore un travail à réaliser pour mettre en valeur tout ce que ça apporte, en fait, aussi bien pour eux, pour les jeunes que pour le reste de l'académie et des établissements. Eh bien, merci beaucoup. Hélène, tu voulais intervenir? Oui, excusez-moi, je ne peux que rebondir à la suite de Nicolas pour ces annonces, parce que la recherche, effectivement, crédibilise cette pratique au sein de l'éducation nationale, et que je mettrai quand même un frein et j'appellerai à vigilance quant à cette pratique qui nécessite certains prérequis et qui nécessite un cadrage qui sont en cours de construction. Donc, autant il y aura ces recherches qui vont être certainement qui va être au service de l'intégration de l'animal et de la médiation par l'animal à l'école, et je les remercie. Et on va travailler main dans la main pour que de l'autre côté, tout ça soit légiféré et tout se passe en bonne entente au point de vue hiérarchique et au point de vue respect de tous. Voilà. Merci en tout cas de ces optiques glorieuses du futur médiation par l'animal en milieu scolaire. C'est vrai que c'est important ce que tu soulignes et tout le travail qui est fait de recherche pour que, comme beaucoup de dispositifs, mais là il y a des vies de l'autre côté, ça ne soit pas instrumentalisé. Justement, c'est pour ça que vous parliez du bien-être des animaux, puisqu'il y a de l'instrumentalisation de tout, de la coopération, de tout. Et ça a un impact déjà sur les élèves, mais là en plus, il y a les élèves et les animaux non humains de l'autre côté. Donc c'est important que tu le soulignes aussi. Et comme je ne sais plus, c'était Delphine qui en parlait, qui disait qu'il y a des gens qui disaient, oh, je vais amener mon chien aussi. Voilà, ça ne se fait pas comme ça. C'est une pratique pensée, réfléchie en termes éducatifs, pédagogiques et animaliers. Ouais. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à tous. C'était vraiment passionnant. Et ça amènerait même à refaire un peu plus tard quand ces recherches auront continué, je pense. Ça serait intéressant. Et donc, un grand merci à vous et pourvu que ces pratiques continuent à se diffuser et à être mieux connues. Merci Merci. beaucoup. Merci.